Lettre 21e, suite de la lettre d'Evelina. La journée d'hier fut si fertile en événements qu'elle emplirait un volume entier. Dans l'après-dîner, à Berry Hill, je dirais le soir, car il était près de 6 heures, pendant que Miss Mirvan et moi nous étions occupés des soins de la toilette et du plaisir qui nous attendait à l'opéra, nous entendîmes une voiture s'arrêter devant la porte. Nous crûmes d'abord que c'était Sir Clément Willoughby, qui, avec son assiduité ordinaire, venait pour nous accompagner à Haymarket. Mais quelle fut notre surprise lorsque nous vîmes entrer dans la chambre les deux demoiselles Branton. Ils s'avancèrent vers moi avec beaucoup de familiarité en me disant « Bonjour cousine, comment vous va ?»« Oui, Da, nous vous attrapons devant le miroir. Mon frère le saura, je vous en réponds. » Miss Mirvan, qui ne les connaissait point et qui ne savait que penser de cette apparition, marqua son étonnement d'un air tout à fait plaisant. L'aînée des Branton m'annonça enfin le sujet de leur visite. « Nous venons, dit-elle, pour vous mener à l'opéra. Mon père et mon frère vous attendent là-bas, et nous irons prendre en passant votre grand-mère. »« Je suis fâché, répondis-je, que vous soyez donné cette peine, je suis déjà engagé. »« Engagé? Et qu'est-ce que cela fait, miss? Cette jeune demoiselle se chargera de vos excuses. »« Je le voudrais bien, lui dit Miss Mirvan, mais je serais fâché moi-même d'être privé de la société de Miss Anville. » « Cela n'est pas joli, reprit Miss Branton. Considérez, madame, que nous ne sommes venus que pour faire plaisir à notre cousine. C'est pour l'amour d'elle que nous allons à l'opéra, et nous avons fait un grand détour pour la venir prendre. Je vous suis infiniment obligé, et je regrette bien de vous avoir fait perdre autant de temps, mais je n'ai pu qu'y faire, j'ai donné ma parole, sans pouvoir me douter de votre invitation. Mais que signifie cela? Interrompit Miss Polly. Faut-il donc tant de cérémonies avec vous? Et d'ailleurs, ceux avec qui vous avez fait partie vous sont-ils plus proches que nous? Je vous prie de ne pas insister davantage, il m'est impossible aujourd'hui d'être des vôtres. Nous étions venus exprès de la cité, et puis votre grand-mère vous attend. Que lui dirons-nous? Dites-lui, je vous prie, que je suis mortifié d'avoir déjà pris des engagements. Et avec qui? Avec Madame Mirvan et une grande société. Et de quoi est-il donc question pour que cette partie vous tienne tant à cœur? Nous allons à l'opéra. Oh, ma chère, si c'est là tout, qui nous empêche de rester ensemble? Je fus extrêmement décontenancé de cette proposition hardie. La rusticité des demoiselles Branton diminua la peine que je me faisais de refuser. Quand même, j'aurais voulu les faire admettre dans notre coterie, leur babillement me l'eût défendu. Et comme elles ne semblaient pas s'en douter, je me vis obligé de leur faire sentir mes raisons, avec tout le ménagement dont j'étais capable. Cette explication leur fit de la peine. Elles me demandèrent où était ma place. « Dans l'amphithéâtre, » leur répondis-je. « Eh, » reprit Miss Branton, « j'ignorais que ma robe ne fût pas assez belle pour l'amphithéâtre. Mais allons-nous-en, Polly. Si Miss Anville ne nous trouve pas assez bien mise pour aller de pair avec elle, elle n'a qu'à chercher mieux. » J'allais leur faire comprendre que l'amphithéâtre demande autant de parure que les loges, mais elles étaient trop piquées pour m'écouter davantage. Elles sortirent de fort mauvaise humeur, en disant qu'elles étaient fâchées de m'avoir dérangé, mais que je ferais bien d'être moins fière avec mes parents. Je voulus me justifier, et j'allais les prier de se charger de mes excuses auprès de Madame Duval, mais elles s'enfuirent brusquement, et n'étant pas habillée, je ne pus les suivre. Je leur entendis seulement dire en partant « Sa grand-mère sera dans une belle colère. Cela fera une bonne scène. » Quelque désagréable que me fût cette visite, je fus bien aise d'en être débarrassé, et je n'y pensais plus. Bientôt après, Sir Clément arriva, et nous descendîmes. Madame Mirvan fit servir le thé, et nous étions engagés dans une conversation assez animée lorsque le domestique vint annoncer Madame Duval, qui le suivit de près. Elle avait le visage en feu, et ses yeux étincelaient de colère. Elle s'approcha de moi à grands pas. « Oui, dame, miss, me dit-elle, vous refusez de venir me voir. « Et qui êtes-vous, s'il vous plaît, pour oser me désobéir ?» J'étais hors de moi. Je ne répondis point. Je voulus me lever, mais je ne le pus. Je demeurai muette et immobile. Tout le monde était décontenancé. Il n'y eut que Madame Mirvan qui tint bon. Le capitaine, prenant un ton d'autorité, dit à Madame Duval, « Qu'y a-t-il ici, ma belle, qui vous mette tant en colère ?»« Cela ne vous regarde pas, lui répondit-elle. Je n'ai aucun compte à vous rendre. » « Vous n'y êtes pas, Madame la Furie. Sachez qu'il n'y a que moi dans ma maison qui ose se mettre en colère. »« Je vous en défie, et sans vous en demander la permission, je vais m'en porter autant qu'il me plaît. Arrangez-vous en conséquence. Quant à vous, miss, je vous ordonne de me suivre sur l'heure, ou bien vous vous en repentirez toute votre vie. » En prononçant ces paroles, elle s'élança hors de la chambre. Je fus saisi d'une frayeur mortelle, et je pensais tomber à la renverse. Mon cœur n'est pas fait aux mauvais traitements et aux menaces. « Ne vous alarmez pas, mon amour, » me dit Madame Mirvan. « Demeurez tranquille, je vais trouver Madame Duval, et j'essaierai de lui faire entendre raison. » Miss Mirvan fit tout ce qu'elle put pour me consoler. Sœur Clémence s'intéressa également à ma situation d'une manière dont je lui sus gré. « Au nom du ciel, me dit-il, calmez-vous, madame. Les emportements de cette créature ne méritent que du mépris. À quel titre prétend-elle vous faire la loi? Laissez-moi lui parler. » « Non, pas pour tout au monde. Je ferai mieux, je crois, de la suivre. » « La suivre? Cher Miss Anville, voudriez-vous vous exposer aux fureurs d'une folle? Car quel autre nom donner à une femme qui se démène avec cette insolence? Croyez-moi, faites-lui dire de quitter la maison sur le champ et de ne plus reparaître devant vous. » « Ah, monsieur, vous ne savez pas de qui vous parlez. Il me sierait mal d'en user ainsi avec elle. Et pourquoi? Quel scrupule vous faites-vous de la traiter comme elle le mérite? » Je vis alors que son intention était d'approfondir quelle pouvait être mes liaisons avec Madame Duval. J'étais trop honteuse de lui appartenir de si près pour oser répondre. Je priai Sœur Clément de laisser agir Madame Mirvan. Elle rentrait dans ce moment. Avant qu'elle eût le temps de parler, le capitaine s'écria « Eh bien, ma bonne, qu'est devenue notre Française? Est-elle un peu rafraîchie? Sans quoi je lui en indiquerai un excellent moyen. » « Ma chère Evelina, me dit Madame Mirvan, j'ai tâché en vain de l'apaiser. J'ai allégué vos engagements. J'ai promis que vous l'accompagneriez un autre jour, mais tout est inutile. Et je crains bien que, si nous continuons à lui résister, elle n'en vienne à une rupture ouverte, et c'est ce qu'il faut éviter pourtant. J'irai donc avec elle, car également ma soirée est déjà perdue, et je n'aurai nulle part au plaisir. » Ma résolution déplut à Sœur Clément, et il s'employa de son mieux pour me faire rester. Je le priai poliment d'épargner ses instances, et j'ajoutai que je ne me ferais certainement pas presser, si ma complaisance n'était indispensablement nécessaire. Il m'offrit son bras pour descendre, mais le capitaine lui dit de demeurer, qu'il voulait me servir d'écuyer, parce qu'il avait encore une pilule à faire avaler à la vieille Française. Nous la trouvâmes dans la salle d'en bas. « Vous voilà donc enfin, miss. Vous vous donnez de jolis airs. Ma foi, si vous n'étiez pas venue, vous pouviez vous en passer et rester mendiante toute votre vie. » « Ouais, madame, s'écria le capitaine, êtes-vous toujours en colère? Voici un conseil pour vous rafraîchir. Allez trouver votre ami, monsieur Croquenjambe. Faites-lui mes compliments et priez-le, s'il fait quelque cas de votre santé, qu'il vous administre encore un bain comme celui de la soirée de Ranelagh. Il comprendra bien ce que je veux dire, et il vous rendra ce service par égard pour moi. » « Allez, lui répondit Madame Duval, vous ne méritez pas qu'on vous réponde, vous êtes un vilain brutal. Partons, mon enfant. » « Écoutez, madame, vous ferez bien de ne pas dire des injures, sans quoi je suis homme à vous montrer la porte. » « Je saurais parbleu la trouver sans vous. » Elle sortit en grande hâte. Je montai avec elle dans un fiacre. Avant notre départ, le capitaine eut encore le temps de lui crier hors de la fenêtre. « Ah ça, madame, n'oubliez pas mon message pour monsieur. » Vous pensez bien que notre course ne fut pas des plus agréables. J'ignore qui de nous deux était le plus mécontente, quoique par des motifs très différents. Cependant, Madame Duval se remit bientôt. Nous fûmes à peine sortis de notre rue qu'un homme courant à toutes jambes arrêta la voiture. Il s'approcha de la portière et je le reconnus pour un des domestiques du capitaine. Madame Duval demanda ce qu'il lui voulait. Il lui répondit en ricanant et tout hors d'haleine. « Mon maître vous fait ses compliments et me charge de vous dire qu'il souhaite que votre accès soit passé. Tiens, coquin, voilà pour t'apprendre à te moquer une autre fois de tes supérieurs. Fouette, cocher !» Le domestique était dans une colère violente et il jurait horriblement, mais nous le perdîmes bientôt de vue. Madame Duval était transportée de fureur. Elle s'exhala en invectives contre le capitaine et le menaça à diverses reprises de retourner chez lui pour l'accabler de reproches. Elle eût tenu parole assurément si M. Mirvan n'avait réussi à se faire un peu craindre. Arrivés chez Madame Duval, nous trouvâmes les Branton qui nous attendaient à portes ouvertes avec beaucoup d'impatience. Le père m'accosta en disant « Il me semble, miss, que vous auriez pu tout aussi bien venir d'abord avec vos cousines. C'est jeter l'argent que de payer deux voitures pour une course. « N'en parlez pas, mon père, » répondit le jeune Branton. « J'en fais mon affaire. »« Je ne sais que trop, » répliqua le père, « que tu es toujours prêt à dépenser l'argent plutôt que d'en gagner. » Je voulus les mettre d'accord en acquittant la dépense à laquelle j'avais donné lieu, mais ils refusèrent mon offre et la voiture fut retenue pour nous mener à l'opéra. Les demoiselles examinèrent fort attentivement ma parure, qui en effet cadrait mal avec la leur. Je voulus me mettre au niveau de leurs ajustements et demandai à emprunter un chapeau ou un bonnet. Il n'y eut pas moyen d'en avoir. Madame Duval n'en porte jamais. Elle appelle cette mode anglaise et barbare. Il fallut donc me résoudre à rester comme j'étais. Nous partîmes tous entassés dans le même carrosse et n'ayant pas encore oublié les réflexions de M. Branton, je payai le cocher lorsque nous mîmes pied à terre. Si j'avais été d'une humeur moins chagrine, j'aurais trouvé de quoi rire. Ils n'avaient aucune idée de tout ce qui a rapport à l'opéra. D'abord, ils ignoraient par quelle porte il fallait entrer, et nous rôdâmes pendant longtemps autour de la maison, sans savoir de quel côté nous tourner. Ils ne jugèrent pas à propos de s'adresser à moi, quoique je fusse la seule personne de la partie qui eût été ci-devant à ce spectacle. Ils auraient été fâchés de connaître les endroits publics de Londres, moins que leur cousine la villageoise, comme il leur plaît de me nommer. Quoi qu'il en soit, ce souci ne m'inquiéta guère, mais je fus plus embarrassé de voir que mon habillement excitait une attention générale. Enfin, nous nous présentâmes au bureau d'un des receveurs. M. Branton demanda pour quelle place il distribuait des billets. On nous répondit que c'était pour l'amphithéâtre. Le jeune Branton s'approcha de son père et lui dit « Vous voudrez bien que je régale Miss Anville ?»« Nous trouvons cela une autre fois, » reprit-il en mettant une guinée sur la table. On lui donna deux billets d'entrée. M. Branton ouvrit de grands yeux. « Que veulent dire ces deux billets ? » dit-il au receveur. « Il m'en faut davantage. »« Comment, monsieur ? » répliqua celui-ci. « Ne savez-vous pas que le prix est d'une demi-guinée par personne ?»« Oh ! Dans ce cas, nous passerons d'être assis dans l'amphithéâtre. »« Je crois aussi, » reprit le receveur, « que ces dames seront mieux à la galerie. » M. Branton s'informa du chemin et nous y conduisit sur le champ. « Quel est le prix des places ? » demanda-t-il à celui qui distribuait les billets. « Comme à l'ordinaire, monsieur, » lui répondit-on. « Changez-moi donc, » dit Branton, en lui remettant sa guinée. « Pour combien de personnes ? » ?»« Pour six. » « Pour six, mais vous ne me donnez pas assez. »« Pas assez, combien vous faut-il donc ? » »« Est-ce aussi une demi-guinée par tête ?»« Non, monsieur, 5 shillings seulement. » M. Branton empocha encore sa malheureuse pièce, protestant qu'il ne se laisserait point écorcher de la sorte. Je proposai de retourner chez nous. Madame Duval s'y opposa. On nous conduisit enfin à une porte de galerie où l'on prit des billets. Madame Duval se plaignit amèrement de la mauvaise place qu'on avait choisie, et en effet, elle n'avait pas tort car nous étions au paradis. Miss Branton soutint que les places seraient peut-être meilleures que nous ne le pensions. « Quoi que dire vrai, » ajouta-t-elle, « l'escalier qui conduit ne promet pas grand-chose. » Nous entrâmes enfin dans la galerie, et alors le murmure devint général. Tout le monde se regarda d'abord sans rien dire, puis on éclata en plainte, chacune à sa façon. « Hé, papa !» s'écria Miss Branton. « Quelle place avez-vous choisie ? Nous sommes, je crois, à la galerie d'un escalin. »« Tu me rendras service si tu veux me tenir quitte à deux escalins par tête. Jamais je n'étais écorché de la sorte. Ou le caissier est un fripon, ou le public est mis ici à contribution d'une manière criante. » « Ma foi, » interrompit Madame Duval, « je n'ai jamais eu d'aussi mauvaise place. Nous sommes assis dans les nues et on ne verra rien d'ici. » M. Branton, « il me semble pourtant que 3 escalins par billet est un prix fort honnête. Vous avez vu que mon intention était de vous mieux placer, mais y avait-il moyen avec ce qu'on demande pour l'entrée ? D'ailleurs, je pensais que galerie pour galerie, celle-ci en valait bien une autre, et nous verrons toujours quelque chose pour notre argent. » « Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on m'a dupé de la bonne sorte. » M. Branton, fils. « Cela ressemble comme 2 gouttes d'eau aux places de 12 sols de Drury Lane. » Miss Branton. « Je m'attendais à être assis sur de belles chaises, couvertes de je ne sais quelle étoffe et garnies dans le nouveau goût. » Cette conversation fut poussée jusqu'à ce qu'on leva la toile. Et alors, l'attention se tourna de ce côté-là. Mes critiques ne considérèrent ni le lieu de la scène, ni les mœurs, c'est le langage des acteurs. toutes les observations furent calquées sur des comparaisons avec le théâtre anglais. Quelques regrets que j'eusse de me trouver dans cette société, et quelque amer que fût le souvenir de celle que j'avais perdue, j'aurais oublié pourtant ma disgrâce si l'on m'avait laissé écouter tranquillement l'opéra. Mais leur impitoyable caquet ne discontinua point, et je manquais nombre de beaux airs chantés par la belle voix de Signor Emilico qui m'aurait fait un plaisir infini. « Comme ces gens-là bredouillent !» s'écria M. Branton. « Je n'entends goutte à ce qu'ils disent, et pourquoi ne chantent-ils pas tout aussi bien en anglais ?» Mais apparemment que le beau monde s'amuserait moins s'il comprenait quelque chose. M. Branton, fils. Le jeu de ces acteurs est bien peu naturel. Qui a jamais vu un Anglais faire des gestes pareils? Miss Polly. Pour moi, je trouve cela assez joli. Seulement, je ne sais ce que cela veut dire. Miss Biddy. Belle misère. Comme si ces sortes d'explications étaient nécessaires pour s'amuser. Prenez exemple sur Miss Anville, qui semble se divertir au mieux sans y entendre plus que nous. Un inconnu qui était assis sur le banc du devant eut la politesse d'y faire place pour Miss Branton et moi. Nous acceptâmes son offre et aussitôt Miss Biddy s'écria « Voyez donc, ma sœur, comme tous ces gens de l'amphithéâtre sont parés, pas un seul chapeau, tout le monde en gala. »« Ah, vraiment oui, » répondit Miss Polly. « Ce coup d'œil est charmant. Cela seul vaudra la peine d'aller à l'opéra. N'évitons que cela. » Un coup d'œil dans l'amphithéâtre me fit sentir la perte de ma bonne société. Mylord Orville était alors à côté de Madame Mirvan. Sœur Clément avait les yeux tournés vers la première galerie, où il me chercha probablement. J'aurais souhaité de rester caché, mais il me découvrit dans le galetas où j'étais niché. La mauvaise humeur de Madame Duval, les murmures de M. Branton et les réflexions insipides et maussades de ses enfants achevèrent de m'ôter le peu de plaisir que j'aurais pu espérer encore. J'aime naturellement la musique et le chant, mais le caquet perpétuel de mes voisins m'empêcha totalement d'en profiter. Pendant le dernier ballet, j'aperçus Sœur Clément à la porte de notre galerie. Sa présence me fit une vraie peine. Je craignis les familiarités de Branton, et j'étais humilié d'être trouvé en aussi mauvaise compagnie. Je ne songeais qu'aux moyens de m'en tirer. Dès que Sœur Clément fut à portée de se faire entendre, il me demanda la permission de me rendre ses devoirs. Je lui proposai d'aller joindre Madame Mirvan. Il accepta avec empressement, et je me tournai vers Madame Duval pour lui dire que la compagnie étant si nombreuse, j'irai demander une place dans le carrosse de Madame Mirvan. Et sans attendre sa réponse, je donnai ma main à Sœur Clément et nous sortîmes de la galerie. Madame Duval aura certainement été fâchée de ma retraite, mais M. Branton s'en sera aisément consolé puisqu'elle lui épargne la dépense d'une course de plus. Sœur Clément parut extrêmement content, et j'étais assez folle pour me réjouir moi-même de la réussite de mon projet. Mais quand nous fûmes descendus, je prévis qu'au milieu de cette foule, il serait difficile de retrouver mes amis, et je commençais à avoir de l'inquiétude. Je priai mon conducteur de tâcher d'informer Madame Mirvan que j'avais quitté Madame Duval. « Je crains bien, me répondit-il, que la chose ne soit guère possible, mais je me charge, madame, de vous ramener chez vous. » Il donna en même temps ordre à son domestique de faire avancer la voiture. Je ne voulus point accepter cette offre et je déclarai à Sœur Clément que je ne pensais point à m'en aller sans Madame Mirvan. « Mais comment la trouver ? » me répondit-il. « Vous ne voudrez point entrer dans l'amphithéâtre. Je n'y puis envoyer mon domestique et il est impossible que je vous laisse seul ici pour y retourner moi-même. » Ses raisons étaient sans réplique et il fallut bien m'en contenter. Mais dès que j'eus le temps de me reconnaître un peu, je me décidai à ne point entrer dans sa voiture et je lui dis que je préférais de rejoindre ma société. Il n'en voulut point entendre parler et il me supplia instamment de ne point retirer la confiance que je lui avais témoignée. Pendant cet entretien, je vis Mylord Orville sur notre passage. Dès qu'il m'aperçut, il quitta sa compagnie et vint vers moi en me disant d'un air et d'un ton de surprise « Bon Dieu, n'est-ce pas Miss Anville que je vois ?» Je sentis alors la sottise de ma démarche et l'embarras de ma situation. Je me hâtai de lui dire en balbutiant que j'attendais Madame Mirvan, mais j'appris à ma grande confusion qu'elle était déjà partie. Je ne savais plus quelle partie prendre. L'idée de me mettre seul entre les mains de Sœur Clément, en présence du Lord, m'était devenue insupportable, et d'un autre côté je ne pus me résoudre à rejoindre les Branton. Je demeurai indécise et je m'écriai involontairement « Juste ciel, que dois-je faire ?»« De quoi ?» reprit Sœur Clément. « Vous inquiétez-vous, ma chère dame. Vous serez chez vous aussitôt que Madame Mirvan ?» Je ne répondis pas du tout. Mylord Orville m'offrit sa voiture. « Elle est ici, madame, et mes gens sont prêts à recevoir les ordres que Miss Anville voudra bien leur donner. J'irai chez moi en chaise à porteur et je vous supplie. » Je fus infiniment sensible à une offre si polie, faite avec tant de délicatesse. Je l'eusse acceptée volontiers, mais je n'osais. Sir Clément ne laissa pas même achever le lord. Il l'interrompit avec humeur en disant « My lord, j'ai déjà fait avancer mon carrosse. » Son domestique vint justement lui dire que le cocher était à la porte. Il me pria de le suivre et il se mit en devoir de prendre ma main. Je la retirai. « De grâce, lui dis-je, ne me forcez pas, laissez-moi m'en aller en chaise à porteur. »« Cela ne se peut pas, madame, » s'écria Sir Clément. « Voulez-vous que je vous abandonne à des porteurs inconnus ? Que dirait Madame Mirvan ? Venez, je vous supplie, vous serez rendu chez vous en 5 minutes. » Je balançai encore. Avec quelle joie n'aurais-je pas voulu rejoindre Madame Duval et les Branton, si ce n'eût été à cause de Mylord Orville ? Mais je me flatte qu'il remarquait mon trouble et qu'il me plaignait, car il me dit du ton de voix le plus doux « Il serait superflu, madame, d'offrir mes services en présence de Sir Clément Willoughby. » « Mais vous ne doutez pas, j'espère, combien je serais heureux si je pouvais vous être de la moindre utilité. » Je le remerciai. Sir Clément me pressa instamment de partir. Dans ce moment de crise, l'opéra finit et le monde sortait en foule. J'entendis en même temps la voix de Madame Duval qui descendait de la galerie. Si Mylord Orville avait répété son offre, je l'eusse accepté malgré Sir Clément. Je n'avais plus un instant à perdre. « Vite, m'écriai-je, s'il faut que je parte. » Je m'arrêtai là, mais Sir Clément prit ma main, me fit monter dans sa voiture, s'y jeta lui-même et cria au cocher « Dans le Queen Street !» Mylord Orville me salua en souriant et me souhaita le bonsoir. Il faut avouer qu'il me quitta là dans une situation des plus ridicules. J'en eus bien du chagrin et j'étais résolu de ne pas ouvrir la bouche pendant tout le chemin, mais Sir Clément trouva bientôt le moyen de me faire parler. Il débuta par me faire ses plaintes de la répugnance que j'avais eue de me confier à lui, et il en demanda mes raisons. Faute d'avoir une meilleure réponse prête, je lui dis que j'avais craint de lui faire perdre son temps. « Ah ! » s'écria-t-il en s'emparant de ma main, « si vous saviez avec quel ravissement je vous consacrerais tous les moments de ma vie, vous ne m'offenseriez point par une telle excuse. » Il continua dans ce beau style, sans que j'eusse le courage de lui répondre un seul mot. J'essayai seulement de dégager ma main, qu'il serra, malgré mes efforts, entre les siennes. Un moment après, il me dit qu'il croyait que le cocher s'était détourné du chemin. Il appela son domestique et lui donna des ordres. Puis il reprit ses propos. « Combien de fois et avec quelle assiduité n'ai-je pas cherché l'occasion de vous parler, madame, sans témoin, du moins sans la présence du brutal capitaine ? La fortune me favorise dans cet instant. Permettez que je ne le laisse pas échapper. » Permettez que je vous jure combien je vous adore. » Cette déclaration inattendue était un coup de foudre pour moi. Je gardai un instant le silence, et dès que je fus revenu, je lui dis « Monsieur, si vous vous êtes proposé de me faire regretter d'avoir quitté imprudemment ma compagnie, vous réussissez à merveille. » « Ma très chère amie, s'écria-t-il, pouvez-vous être si cruel ? Votre caractère démentirait-il votre physionomie, ce coloris de rose qui anime vos belles joues ? Serait-il moins l'effet de la douceur que de la beauté ?« Monsieur, interrompis-je, tout cela est bien beau, mais nous en avons eu assez déjà au ridotto et je ne pensais pas que vous reprendriez cette conversation de si tôt. » Ce que j'ai dit alors, ma belle enfant, n'était qu'une malheureuse méprise. L'idée profane que votre esprit n'égalait pas votre beauté, mais à présent que je trouve combien. Je me suis trompé grossièrement. Toutes les paroles, toute l'énergie des termes ne suffisent pas pour exprimer l'admiration que m'inspirent vos perfections. À moins que vos paroles ne soient bien peu d'accord avec vos idées, vous ne pouvez pas vous imaginer, monsieur, que j'ajoute foi à des éloges que je suis loin de mériter. » Cette réponse, prononcée d'un grand sérieux, donna lieu à de nouvelles protestations plus fortes que les premières, et moi, sans y faire la moindre attention, je marquai ma surprise de ce que nous n'étions pas encore dans le Queen Street, et je priai Sir Clément d'ordonner au cocher de doubler le pas. Et ce petit moment, le premier de mon bonheur, vous paraît-il déjà trop long ? Il faut que cet homme ait manqué le chemin, sans quoi nous devrions déjà être au bout de notre course. Laissez-moi lui parler. Pensez-vous que je sois mon ennemi jusqu'à ce point ? si mon bon génie a inspiré cet homme de faire durer mon bonheur, croyez-vous que je détruirais moi-même l'ouvrage d'un aussi heureux hasard ? Je commençais à craindre que le cocher ne se fût détourné du chemin par un ordre exprès, et cette idée me jeta dans de vives alarmes. Je baissai la glace et je fis un effort pour ouvrir la portière dans l'intention de sauter dans la rue. Sœur Clément me retint. « Au nom du ciel, qu'allez-vous faire ?»« Je l'ignore moi-même, » m'écriai-je tout essoufflé. « Mais je suis sûr que cet homme s'est égaré, et si vous refusez de lui parler, je sors de la voiture dans le moment même. »« Vous m'effrayez. » Il tenait toujours mes deux mains. « Qu'avez-vous à craindre ? Vous défiez-vous de mon honneur ?»« Non, monsieur, du tout. Mais Madame Mirvan, comment elle s'inquiétera ?»« Pourquoi ces alarmes, mon très cher ange ? Que craignez-vous ? Ma vie vous est entièrement dévouée. Ma protection ne vous suffit-elle pas ?» Et en même temps, il me baisa la main. Jamais je n'étais dans une telle transe. Je m'arrachai d'entre ses bras et je mis la tête à la portière pour crier au cocher d'arrêter. Dieu sait dans quel quartier de Londres il nous avait menés. Je ne vis âme vivante sans quoi j'eusse appelé au secours. Sœur Clémente tâcha de son mieux de m'apaiser, mais il ne réussit guère. « Si votre intention, m'écriai-je, n'est pas de m'assassiner, laissez-moi descendre par pitié. »« Calmez-vous, me répondit-il, ma très chère vie. Je ferai tout ce que vous souhaiterez. » Il appela lui-même le cocher pour lui dire de faire diligence. « Cet imbécile, continua-t-il, m'a sûrement mal compris. Mais il ne tardera plus. J'espère seulement que vous serez plus tranquille à présent. » Je gardai le silence et je guettai attentivement le chemin que nous prenions. Cette précaution ne m'avança pas de beaucoup. Je connais trop peu les rues de Londres pour les distinguer. Sœur Clément se répondit en protestation d'honneur et en assurance de respect. Il me demanda pardon de m'avoir offensé et il me conjura de ne pas prendre mauvaise opinion de lui. Je ne fis aucune réponse. Je le craignais trop pour lui faire des reproches et j'étais trop fâché pour lui parler avec bonté. Nous avions couru plusieurs rues quand, saisi de frayeur, je l'entendis crier tout d'un coup au cocher de faire halte. « Miss Anville, me dit-il, vous voici à 20 pas de votre maison. Je ne saurais vous quitter avant que vous ayez eu la générosité de me pardonner. Promettez-moi de ne rien découvrir de ce qui s'est passé à Madame Mirvan. » Je balançai entre la crainte et l'indignation. « Ce silence affecté augmente le regret que j'ai de vous avoir déplu et me prouve le peu de fond que je puis faire sur la faveur que je vous demande. » Je suis dans une fâcheuse extrémité. Il ne me convient pas de vous faire la promesse que vous exigez, et cependant je n'ose vous refuser. Je ne vous presserai pas davantage, Miss Anville, et loin de vous extorquer votre promesse, je me remets entièrement à votre générosité. Cette démarche servit à m'adoucir. Il ne se fut pas plutôt aperçu de cet avantage qu'il chercha à s'en prévaloir. Il se jeta à mes genoux, et il me fit ses excuses dans des termes si respectueux qu'en vérité je ne puis m'empêcher de lui pardonner. Je rougissais de le voir dans une posture si humiliante, et pour terminer la scène, je lui promis encore de ne pas me plaindre de lui à Madame Mirvan. J'aurais dû peut-être ressentir avec plus de sévérité la conduite téméraire de Sœur Clément, mais c'était par mon imprudence et mon orgueil que je m'étais exposé. J'aurais grand soin de ne plus me trouver seul avec lui. Nous arrivâmes enfin à la porte de notre maison, et dans l'excès de ma joie, je lui aurais sûrement pardonné si je ne l'avais déjà fait auparavant. Pendant que nous montâmes l'escalier, il querella beaucoup son cocher du grand détour qu'il avait fait. Miss Mirvan vint à ma rencontre. Elle fut suivie de Mylord Orville. Toute ma joie s'évanouit et se changea en honte et en confusion. Mylord Orville m'avait vu partir avec Sœur Clément. Il savait combien de temps j'étais resté avec lui. Ce calcul me suffoquait et je n'avais aucune raison à léguer pour me justifier. Toute la famille me fit l'accueil le plus gracieux. Le lord leur avait dit que je n'étais plus avec Madame Duval, et ils étaient fort surpris de ce que je tardais tant à revenir. Sœur Clément fit semblant de s'emporter et leur dit que son cocher, l'ayant mal compris, nous avait conduits au bout de Piccadilly. Je n'eus le temps que de rougir et, sans oser le contredire, je ne voulus pourtant pas ratifier un conte auquel je n'ajoutais aucune foi. Mylord Orville me félicita poliment de ce que les embarras de cette soirée s'étaient terminés aussi heureusement, et il ajouta qu'il n'avait pu prendre sur lui de se retirer sans avoir de mes nouvelles. Il s'en alla bientôt avec Sœur Clément. Dès qu'ils furent partis, Madame Mirvan me reprit avec beaucoup de douceur de ce que j'avais quitté Madame Duval. je lui promis d'être plus circonspect à l'avenir, et assurément, je tiendrai parole. Les aventures de la journée avaient gâté mon sommeil pour toute la nuit. Je ne pus fermer l'œil. Qui sait si Mylord Orville ne s'imagine pas que mon entrevue avec Sir Clément dans la galerie était un projet concerté? Qui sait s'il ne me soupçonne pas d'avoir donné les mains à cette longue promenade nocturne? Si du moins j'avais paru mécontent de la prétendue bévue du cocher? Mais que dire de son intention à venir encore demander ce soir de mes nouvelles? Si j'y entrevois un peu de défiance, elle ne prouve pas moins quelques inquiétudes de sa part. En effet, Miss Mirvan m'a dit qu'il avait été inquiet de ce que je tardais tant à arriver, qu'il s'en était même impatienté. Si ce n'était pas trop me flatter, je croirais presque qu'il a deviné les desseins de Sir Clément et qu'il était en peine pour moi. Quelle longue lettre! J'espère cependant que ce sera une des dernières que je vous écrirai de Londres, car j'ai entendu dire ce matin au capitaine que nous partirions mardi prochain. Madame Duval sera informée de cet arrangement dès aujourd'hui. Elle vient dîner avec nous. Comment a-t-elle pu accepter l'invitation de Madame Mirvan après la scène qu'elle a eue hier avec le capitaine? Vraisemblablement, ce sera moi qui essuierai aujourd'hui toute sa mauvaise humeur. Je m'y soumettrai patiemment, puisque je l'ai mérité. Adieu, mon très cher monsieur. Si cette lettre encourait votre censure, je me repentirais bien plus encore de la conduite imprudente dont je vous ai fait l'aveu.